allait avec joie. Une fanfiction d'une phrase écrite et narrée par Mia, alias Mia Cusset. Koromaru allait avec joie pendant que je gratouille sa bedaine, tout en lui disant qu'il est un bon chien, très gentil et trop mignon, mais je me demande d'où il vient.